Analyse numéro 9 du 30 mars 2021, Thierry Pirlo, Sherpa One. Échouage de l'Ever Given dans le canal de Suez. C'est mon analyse personnelle par rapport à l'Ever Given ou, comme ils insistent sur RTL, l'Ever Given dans le canal de Suez. Je suis, comme vous tous et toutes, assez dubitatif depuis des jours avec cet événement, mais une chose est certaine, ce n'est sûrement pas un hasard de l'histoire. On pouvait s'attendre à un blocage bien plus long de ce navire dans ce canal de Suez, ce qui aurait justifié quelques semaines plus tard une pénurie voulue et généralisée en Europe, ce que cherche l'État profond, en plus d'un confinement total. Ce serait même logique, vu que la France annonce un possible reconfinement. Le remorquage risquait en outre d'arracher les lignes de fibre optique qui traversent le canal de Suez et qui causeraient de sérieux problèmes de communication Internet au niveau mondial, genre blackout. Je pense que c'était le plan du Deep State à la base, dans la première ligne temporelle, et donc le plan initial des sombres. Je pense surtout que l'EDS ne contrôle plus rien à cette heure et que l'Alliance a volontairement planté ce cargo pour attirer l'attention du monde sur l'Ever Given. Ma vision des choses depuis bientôt un an est que tout ce que nous voyons et entendons n'est pas le résultat d'un nouvel ordre mondial qui s'instaure, mais plutôt le scénario revisité du plan initial que les bergers avaient prévu de nous servir et que nous impose l'Alliance pour le grand réveil. Un film hollywoodien en mondiovision, produit par les chapeaux blancs de l'Alliance qui sont aux commandes depuis au moins 2018. Je ne cesse de le dire, même si cela paraît complètement fou, car seule la folie permet d'expliquer ce que nous voyons et surtout ce que nous ne voyons pas. On ne sait pas ce que l'on ne sait pas, dixit Mohamed Diallo. Il faut donc savoir lire entre les lignes, travailler en trois, voire en cinq dimensions, comme Q nous l'a souvent répété, et surtout apprendre à décoder la nouvelle langue, que ce soit celle des psychopathes, de Trump ou de l'Alliance. Dans ce but, cette dernière sème depuis des mois des centaines d'indices, selon le petit poussé, à l'attention des lanceurs d'alerte via ses enceintes drop de 2017 à 2020. Et ça marche, car on en parle de plus en plus. Q drop code, watch the water, autrement dit, surveillez l'eau. Un bon exemple est le professeur Raoult, qui parle cette nouvelle langue en permanence depuis un an, mais qui ne dévie jamais de son discours initial. De quel côté est-il? Difficile à dire, car à côté d'un cerveau pareil, bien malin, celui qui pourrait affirmer son rôle dans tout ce cirque. Opposition contrôlée ou électron libre, on le saura à la fin de l'histoire, même si j'ai déjà ma petite idée. Pour résumer, et pour rappel, sauf pour les incroyants, cette alliance, la Lumière, composée d'une quadripartite, Trump, Poutine, Xi Jinping et Modi, a repris le contrôle complet du DS en 2018 et surtout de leurs DS respectifs, différence non négligeable. Ils obligent les élites mondiales, par la menace et la contrainte, à laisser se dérouler le narratif prévu sur leur feuille de route, comme ces psychopathes l'avaient prévu initialement, et ont interdiction de dévier d'une virgule. Pourquoi ? Dans un seul but, celui de changer complètement et radicalement le paradigme sociétal merdique dans lequel nous survivons. Comment ? En réveillant 90% de la population mondiale, à terme, sur les vrais objectifs mondialistes et dictatoriaux que ces dégénérés du bulbe avaient prévus pour l'humanité. Minimum 50%, voire plus, sont dans le coma et irréveillables. Beaucoup de complotistes ne sont pas d'accord avec cette thèse et croient, en une troisième guerre mondiale en temps réel entre le Deep State et l'Alliance. Ce n'est pas mon cas. Et pour le réaliser, il faut comprendre le tour du monde de Trump en mai 2017 qui a scellé définitivement le sort de ces psychopathes milliardaires. De nombreuses arrestations ont déjà eu lieu dans le plus grand secret. Ordre de Trump sur des plis scellés. Beaucoup de gens que l'on voit à la télé et que l'on pense être au pouvoir n'existent plus. Ils ont été jugés et exécutés. Remplacés, soit par des images générées par ordinateur, soit par des sosies acteurs au profit des positifs, ou encore par des clones sous contrôle des chapeaux blancs, les White Hats. Pour en revenir à Evergreen, cette société appartient à la fondation Clinton et Evergreen était son nom de code au sein des services secrets du Pentagone lorsque cette dernière était secrétaire d'État. HRC, Hillary Rodham Clinton, revient également dans des drops de Q parlant d'Evergreen et pas qu'une fois. Cette fondation, soi-disant bienfaisante, génère un trafic d'êtres humains, femmes et enfants, à un niveau industriel, défiant la raison de toute personne normale. Ce trafic s'effectue via des sociétés écrans, allant de pavillons panaméens en passant par des sociétés taïwanaises et même jusqu'à des sociétés allemandes telles que la société de gestion des navires Bernhard Schulte Ship Management. Ces navires transportent des milliers de containers dont certains sont aménagés pour la survie des enfants. Et je dis bien la survie, car ces voyages s'effectuant d'un bout à l'autre de la planète, à peine 10% des enfants survivent. On parlait déjà de cette société Evergreen dans le milieu complotiste en 2018, dans des postes de Q, 1240 et 3856, si je ne m'abuse. Q nous demandait de surveiller les eaux et parler d'Evergreen, Watch the Water. Et c'est ici qu'il convient de décerner une mention spéciale au pilote de l'Evergiven, car il a réussi l'exploit de dessiner une paire de fesses, un phallus et deux noix sur l'éco-radar en mer Rouge, et ce, avant de rentrer dans le canal. Clin d'œil de l'Alliance. Q parlait aussi du scandale de Haïti. Ses enfants enlevés suite au tremblement de terre par l'ONG dirigée par Clinton. Mais un jour, le monde l'apprendrait. Peut-être via le film Sound of Freedom sur la vie de Tim Ballard que nous attendons tous depuis 2020. De même que pour sa participation au Pizzagate sur la mouvance pédo des frères Podesta et du laptop de Anthony Weiner. Il s'agit probablement également de programmation prédictive positive par le biais des postes de Q. Vous avez aussi sûrement remarqué que les médias nous détournent de la société Evergreen. Ils martèlent un nom modifié du bateau en jouant sur la sonorité des syllabes du nom. Ils disent « Evergiven » au lieu de « Evergreen » afin justement de détourner notre attention de « l'Evergreen ». C'est une psy-op. Ce bateau ne s'est pas ensablé par accident. Il a été délibérément planté par les chapeaux blancs qui en ont pris le contrôle pour attirer notre attention. En effet, ces bateaux franchissent le canal de manière automatisée via radar et satellite, et non par pilotage manuel, trop risqué avec l'erreur humaine. Je pense qu'initialement, il était prévu dans la feuille de route du DS de bloquer Suez avec ce navire, pour provoquer une crise mondiale de l'approvisionnement, idéale pour terminer d'instaurer une dictature. Elle n'aura pas lieu. Dans la nouvelle réalité 5D, créé par l'Alliance, ce blocage n'est qu'un indice de réveil, encore à l'attention unique des éveillés pour qu'ils en parlent autour d'eux. Il n'y a pas d'enfants sur ce bateau, ni d'armes de destruction écologique comme annoncé par des médias alternatifs turcs. Car l'Alliance a déjà nettoyé tout ce merdier depuis 2018. La fondation Clinton, mais aussi Clinton elle-même, a déjà été exécutée pour très haute trahison. L'important est de faire croire au monde que ce narratif est toujours d'actualité, et donc d'exposer à la lumière ce bateau qui est passé 1000 fois par ce détroit, chargé d'enfants, dans l'indifférence la plus totale. Car si Trump n'avait pas fait le ménage en 2018, à cette heure, il y aurait effectivement des milliers d'enfants sans identité sur ce navire et sur bien d'autres Evergreen à travers les océans. La peur chez les moutons a été instaurée au départ par l'ODS, mais actuellement, elle est gérée subtilement par l'Alliance, comme un Baxter qui diffuse au goutte à goutte le réveil subtil. Je sais que c'est compliqué, mais à la fin de l'histoire et l'objectif final de l'Alliance atteint, ça le sera encore bien plus. Car il ne s'agit pas de convaincre 1% de chercheurs de vérité, mais 99% de l'humanité. C'est réellement un travail titanesque. Et pour ce faire, l'Alliance va nous emmener tout au bord du précipice avant de sonner la fin de la récréation. Les opérations militaires US de la Navy sont toujours en cours et eux seuls en connaissent la fin. Parlons du projet Evergreen. Ce projet est assez vaste car il touche l'air, la mer, la terre et même sous terre. En résumé, c'est le transport, ou plutôt le trafic, via toutes ces voies, d'êtres humains, d'esclaves sexuels, d'animaux, de substances dangereuses et toxiques, d'armes, de drogues, de technologies secrètes, etc., etc. En bref, tout ce qui peut servir à l'état profond à mener à bien leur dessein funeste et à expérimenter jusqu'à l'inimaginable sur les animaux, mais surtout sur les humains. Par les airs. Il existe une société Evergreen, Evergreen Aviation, ayant des antécédents de trafic d'êtres humains et de liens étroits avec la CIA. Evergreen a toujours un Boeing 747 à Columbus, en Ohio, et maintient un service régulier vers Hong Kong. Le seul terminal pouvant desservir cet avion appartient à Landmark Aviation, qui aurait été la compagnie de choix pour le programme de la CIA, connu sous le nom de Taxi de la Torture. Dans ce programme, des personnes ont été kidnappées, transportées par avion vers des sites précis à travers le monde et torturées pendant des mois ou des années. Il existe aussi Evergreen Air, qui est une société de la CIA pour les opérations de chemtrail aux États-Unis. Elle est basée à Marana Air Park, près de Tucson en Arizona et à McMinnville en Oregon, près de Portland. Les chemtrails sont précisément composés d'aluminium, de barium et d'autres ingrédients qui occasionnent des maladies respiratoires et modifient l'acidité du sol. Par la mer maintenant. Evergreen Container est le nom de l'une des plus grandes sociétés d'infrastructures maritimes intégrées au monde. Elle alimente le trafic de tout ce que nous venons d'énumérer précédemment. Il s'agit de conteneurs insonorisés, convertis en salles de torture. Il en a été découvert aux Pays-Bas avec toutes sortes d'instruments et d'équipements conçus pour retenir et torturer des gens, pour de l'info ou pour le business d'adrénochrome. Des caméras, des toilettes chimiques, des menottes au sol et au plafond, ainsi que divers autres items dans ce genre, ont également été retrouvés dans plusieurs conteneurs Evergreen. Il existe également des bateaux-prisons, sous autres pavillons et contrôlés par la CIA. Par voie terrestre, de la même façon que par l'air et la mer, ces compagnies assurent le transport via des conteneurs sur camion ou par train, de leurs victimes, de matières toxiques, d'armes, etc., à des fins expérimentales ou d'empoisonnement. par voie souterraine. Il existe également tout un réseau souterrain mondial de tunnels regroupant les dumps, Deep Military Underground Secret Bases. Ces tunnels servent au trafic d'humains, notamment des enfants, à des lieux d'expérimentation qui dépassent l'entendement, à des usines chimiques de toutes sortes. Ils sont utilisés pour le trafic d'adrénochrome à l'échelle industrielle via des fermes d'élevage d'enfants localisées surtout en Afrique. Dans les jours qui ont suivi l'échouage de l'Evergreen, d'autres événements ont attiré notre attention, comme cet accident avec un transport routier Evergreen ou l'atterrissage d'un 737 d'Evergreen sans train d'atterrissage avant. Pur hasard ? Les hasards et les coïncidences sont des inventions de la CIA. Trust the plan. Ce qui arrive ne peut plus être arrêté. Where we go one, we go all. Sherpa One.